16 A. Gris. Croquet. Trop. Cri. Grumeau. Tri. Cru. Trait. Truffe. Gré. Regrette. Gras. Crabe. Autre. Graisse. Trois. Titre. Travailler. Dégrossir.